les chemins de ma mémoire, où j'aime souvent m'évader. Je vois des images oubliées que je gardais sans le savoir. Photos jaunies de mon enfance, empreintes de tant d'insouciance. Je revois l'arbre de Noël et les fêtes d'anniversaire près de mon père et de ma mère, incarnant l'amour éternel. Une maison à la campagne, et puis ce chien qui m'accompagne. Comment vivre l'avenir sans emporter les souvenirs du passé, bien gardé dans l'armoire de nos idées. Le meilleur et le pire, sans regret, sans un soupir, seront pour ce voyage nos bagages. Dans les chemins de ma mémoire, le soleil cache les nuages, un seul sourire sur un visage rend le chagrin si dérisoire d'un jour qui change l'existence à un détail sans importance. Sa longue robe blanche, son voile sur ses yeux mouillés, et au fond de son lit douillet, un enfant au visage d'ange, une silhouette sur une plage qui ramasse des coquillages. Vivre l'avenir sans emporter les souvenirs du passé, bien gardé dans l'armoire de nos idées. Le meilleur et le pire, sans regret, sans un soupir, si les chemins de ma mémoire un jour se perdent dans les broussailles et qu'au loin de moi ils s'en aillent, me laissant là où je m'égare, qui sera l'âme secourable pour guider mes pas vulnérables? Comment vivre l'avenir si l'on n'a plus le souvenir effacé, condamné à marcher sans se retourner, sans saigner, non, ni souffrir, mais sans but et sans devenir. Comment faire le voyage sans bagage, sans bagage?